Namor Mainstream, Mainstream Namor et notre équipe. Lady M, 400, 13007 sur la corniche. On écrit des textes, mais y'a Wellou qui peut nous calmer. Marseille, sex, drogue, escroc et camé. J'dresse un constat, état des lieux sombres, sale goût amer. Aux quatre coins du monde, guerre frappe, tu tyrannises. Track, bloc, détruit, affecte les peuples souffrants. Excédé, induit en erreur au fil des siècles par le pouvoir, l'état et les gouvernants en place. L'argent et le diable ont pris le contrôle du monde. Aux dépens des hommes et femmes, éblouis de tant de crimes, devient imbibé par le mensonge et la perversion. À chacun de développer son interprétation des actes ou autres méfaits mis en cause. Par les mots, donc témoignage intemporel. D'un instant, tu prends conscience que le Pentagone de bouche nous instinct. Qu'à chaque fois que CNN présente une nouvelle marionnette, aux mains tachées de sang, les hyènes ont des leçons. Et dans ce cas, elle y met de l'anthrax et dans le son. Impitoyablement mission, dotée d'ambition, de bite de base d'impulsion. Pour contrôler nos pulsions, on ouvre à mort sur la corniche avec un Bergman sans le permis. Je m'en bats les glaives, oui, tout est permis. Illicite, fille de luxe et escroc. Indécoctus, tu nous testes. On prend le bien de figure, écoute nos couplets. Après, on verra. Compris comme un parapute de l'opéra. Paré pour opérer, repérer les traites qui ont coopéré. Enterré au palais, peuvent plus parler. Et à 100 l'heure, si on avait des cheveux, ils seraient dans le vent. Si Mainstream Namor sur ce beat, lave-toi du devant. Lève-toi du milieu. Et rien à foutre des mecs pleins de vent. Qui c'est pour défoncer sur beat, ça fait avant. Comme d'hab, c'est deux ou trois bouteilles sur la table. Y'a pas besoin de garde du corps ou d'expert comptable. On sait ce qu'on fait, frère, on avance. On voit tous, t'as des sales rimes sur toi. Et frère, on voit tout comme Jada. Ça l'instruit, frère, tu fais. C'est la production, les man staff, que du vrai pop comme jadis. Questionne mon associé, demande-lui dans quel pays nos enfants vivent, s'il veut t'en parler. Sinon c'est pas grave, ouvre grand tes yeux. Regarde tourner les roulettes du casin, c'est comme des MK2. On vit dans la merde et on affronte, on n'a pas le choix. Pas le droit de baisser la tête, ça enchaîne tout droit. On ouvre à mort sur la corniche avec un Bergman sans le permis. Je m'en bats les glaives, oui tout est permis. Illicite, fille de luxe et escroc. Indécoctus, tu nous testes. On prend le bien de figure, écoute nos couplets. Après on verra, il faut compris comme un parapute de l'opéra. Paré pour opérer, repérer les traites qui ont coopéré. Enterré au palais, peuvent plus parler. Si la rage prolifère comme les tapins aux abords de l'obélisque. Comme les glandés qui trafiquent à Portex. Comme le champagne et les X dans les afters près du vieux port. Comme les votes en 2000 de destinée à ce vieux port. Donc rien à foutre quand je dis qu'on nique la politique, ro. Je garde la haine intacte et la chèvre au micro. De toute façon, quand la misère touche les tiennes, déshonore les fils de pute de juge dans les tribunaux. C'est du fafan croulo. Aux flics, aux avocats, à la banque, au PD d'huissier. À la voisine d'en haut qui attend toujours qu'on vienne m'expulser. Aux filles de mauvaise vie dans les proxos voudraient me briser. Aux petits enfoirés rêvant de me savoir neutraliser. Une bombe humaine, mec, comme les decks du Cachemire. Le type que le mari déteste et l'épouse admire. Entre vie et mort. Au quotidien, c'est pour ce que j'aime que je reste souriant. Comme un enfant, un génie, nos proches dormir. À mort sur la corniche avec un Bergman sans le permis. Je m'en bats les glaives, oui, tout est permis. Illicite. C'est escroc, indécoctus, tu nous testes. On prend le bien de figure, écoute nos couplets. Après on verra, il faut compris comme un parapute de l'opéra. Paré pour opérer, repérer les traites qui ont coopéré. Enterré au palais, peuvent plus parler. À mort sur la corniche avec un Bergman sans le permis. Je m'en bats les glaives, oui tout est permis. Illicite, fille de luxe et escroc. Indécoctus, tu nous testes. On prend le bien de figure, écoute nos couplets. Après on verra, il faut compris comme un parapute de l'opéra. Paré pour opérer, repérer les traites qui ont coopéré. Enterré au palais, peuvent plus parler.